national, international. Bêtise d'estatini rebel. L'ONU fait quoi assemblée? Si on y se réhabilité. Quand nous quoi faire? Établi qu'à passer, assez l'esclavage sous silence. Nex civil et même préjudice, amende réhabilité. Est-ce qu'elle n'y déploie des merci? En justice à des vitesses, l'esclavage passé sous silence. C'est un crime contre l'humanité. Ça nous quoi faire? Questions?